الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم سنأخذ الحديث 40 وكذلك 41 إن شاء الله. Ils sont courts. Le premier, qui sera le 40e hadith, j'ai choisi de prendre celui de Cheikh Al-Fawzan plutôt que celui de Cheikh Yahya, qui est mieux structuré dans le livre. Et de l'autre, on continuera avec celui de Cheikh Yahya. Et le 41e hadith se fera avec l'explication de Cheikh Yahya. Donc ce premier hadith, qui est le 40e, quand je dis le premier des deux, lui fait rapport au fait de ne pas s'accrocher à ce bas monde et de ne pas retarder l'occasion, lorsqu'une occasion se présente, de faire des bonnes œuvres. Car on ne sait pas ce qui nous attend par la suite, ou la mort, ou la maladie, la capacité de pouvoir agir. Qui est le hadith de Abdullah ibn Omar. Faqala al-imam al-Bukhari رحمه الله تعالى عن ابن عمر بن أبي الخطاب رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وبمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وإن فرض به البخاري. Donc ce hadith est apporté par Abdullah ibn Omar, où il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me prit par les épaules et me dit: sois en ce bas monde comme un étranger ou quelqu'un qui est de passage, ou une personne de passage. Et Ibn Omar, à partir de cela, disait aux gens que si jamais te vient la soirée, alors n'attends pas le matin. C'est-à-dire pour œuvrer ou faire ce que tu as à faire. Et que si jamais te vient la matinée, alors n'attends pas le soir ou l'après-midi. Et prends de ta santé pour tes moments de maladie, c'est-à-dire profite de ta santé pour les moments de maladie, et profite de ta vie pour ta mort. Le tout rapporté individuellement par Al-Bukhari. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنهما أي أمسك صلى الله عليه وسلم بمنكبيه لأجل أن ينبه لما يقوله له. وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على نصيحة قال فقال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر السبيل. هذه وصية جامعة وكلام جامع من جوامع الكلام. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني لا تنبسط في الدنيا وتشتغل بها عن آخرتك. Donc il dit ce hadith démontre que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم prit Ibn Omar par les épaules, ses deux épaules, afin de le mettre en attention pour ce qu'il lui dit. Et cela démontre la modestie dont il faisait preuve, hein, et qu'il était soucieux de prodiguer Nasiha. Et il lui dit, sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Il s'agit là d'une exhortation générale qui comprend beaucoup de sens. C'est-à-dire, ne t'étale pas dans ce bas monde et ne t'en préoccupe pas de ce qui pourrait te détourner de l'au-delà. Et cela revient également un peu au sens qu'on a dit du Zuhd. Du Zuhd, ce qui est traduit par l'ascétisme, qui était du fait de délaisser ce qui n'est pas utile de ce bas monde pour l'au-delà. Cela se joint. والغريب هو الذي يكون في بلد غير بلده فإن الغريب إذا كان في بلد ليست بلده لا ينبسط فيها ولا يطمع في السكن والاستمرار فيها وإنما يكون على أهبة أهبة الاستعداد للرجوع إلى بلده والدنيا ليست دارا للمسلم إنما دار المسلم هي الجنة وهو وجد في الدنيا من أجل أن يعمل الجنة فيأخذ حاجته من الدنيا ليستعين بها على عمل الجنة. Donc il dit, l'étranger, c'est celui qui est dans un pays autre que le sien. Car celui qui est dans un pays qui n'est pas le sien, généralement, il ne s'y attarde pas ou il ne s'y instaure pas. Et se prépare au retour vers son pays. Il ne se préoccupe pas vraiment d'avoir un lieu de vie, par exemple. Il n'est pas une personne qui sera aussi minutieuse dans le choix d'une maison, d'un lieu d'habitation, comme le sera le résident du pays. Car lui sait qu'il repartira un jour. Et que la dunya n'est pas un lieu de résidence pour le musulman. Mais plutôt celui qui attend le musulman, c'est le Jannah. On a sallallahu que le musulman n'a été mis en ce bas monde que pour œuvrer en but de rentrer au Jannah. Donc il prend ce dont il a besoin de ce bas monde hein, pour ce qui l'aidera à rentrer au paradis. Les choses de ce bas monde sont mises à son service pour qu'il s'en serve en vue de rentrer au paradis et non pas en vue de s'éterniser dans ce bas monde. أما أن يطلب الدنيا لذاتها فهو يشتغل بشيء ليس له ولا يدوم لأن الدنيا ليست له كن في الدنيا كأنك غريب ومعلوم حال الغريب الذي هو في غير بلده أنه دائما يتذكر وطنه وداره ويحن إلى ذلك ويسرع في الرجوع إلى بلده مهما أمكنه. Ce qu'il dit là, c'est que quant au fait de désirer ce bas monde pour lui-même, et non pas comme moyen d'obtenir l'au-delà, mais de prendre comme lui-même, comme le fait par exemple d'en se préoccuper au point d'en délaisser l'akhira, que cela est une erreur. Car la dunya, nous avons dit, nous en sommes de passage. Ce n'est que temporaire. Et personne ne sait combien de temps il y restera. Car la dunya n'est pas pour lui. Elle n'est pas pour le musulman. Hein? Soit on se bat monde comme à l'étranger. Et il est connu que la situation de l'étranger, lorsqu'il n'est pas dans son pays, c'est que tout le temps, il se souvient de son pays. Il réfléchit à son pays, de là où il vient. Il fait en sorte d'y revenir le plus vite possible. Dès que l'occasion s'en présente, il retourne dans son pays. « وَقُولُهُ كَأَنَّكَ غَرِيبٌ » Et sa parole, comme si tu étais un étranger. « يَعْنِمِسْ الْغَرِيبُ بِمَعْنَا أَنَّكَ لَتَنْبَسِتْ فِيهَا وَتَشْتَغِيلُ بِهَا » ويعطيك كل فكرك وتطيها كل فكرك وقلبك لأنها ليست دارا لك بل كن فيها مؤقتا تنتظر الرجوع إلى بلدك. Donc il dit, sois un étranger du fait que tu ne t'étales pas dans ce bas monde, tu ne t'en préoccupes pas plus qu'il n'en faut, tu ne donnes pas toute ta pensée, toute ta réflexion pour ce bas monde ainsi que ton cœur. Car ce lieu n'est pas pour toi. Mais plutôt, mets-toi en tête que tu n'y es que temporairement, en attendant le retour à ton pays. Et le sens voulu par le pays ici, c'est le Jannah, comme cela va venir. « Wal muslimu kazalika wa fi dunya gharib, liyanna halisat daran lah, addaru lati khalakahallahu lil mu'min yal jannah, wa kana adam wa zawjuhu fil jannah, faaskanahuma allahu fil jannah. » فَأَسْكَنَهُمَا اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ حَصَلَ مِنْهُمَا الْمُخَالَفَةُ لِأَمَلِ اللَّهِ وَتَابَا وَنَدِمَا وَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَلَكِنْ أَخْرَجَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَنْزَلَهُمَا إِلَى دَارٍ لَيْسَتْ دَارًا لَهُمَا وَكَذَلِكَ ابْنُ آدَمَ يَحِنُّ إِلَى وَطَنِهِ الْأَوَّلِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْهُ لِيَرْجِعَ إِلَيْهِ. Cette dunya n'est pas une maison, un domaine pour lui, pour le musulman. Il n'a pas été créé pour cela. Hein, le musulman n'a pas été créé pour s'instaurer et s'installer en ce bas monde. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour le musulman, pour le mu'min, sa vraie demeure, c'est le paradis, al-Jannah. Que Adam et sa femme se trouvaient au paradis. Mais que pour leur transgression à l'ordre d'Allah, bien qu'ils en soient repentis et qu'ils aient regretté, que Allah accepte leur repentir, cependant, il les fit sortir du Jannah et les fit descendre sur terre. Et cette terre, cette dunya, ce bas monde, hein, n'était pas pour eux. C'est-à-dire pour y s'y éterniser et pour s'y complaire comme ils y étaient au Jannah. Donc il en est de même pour le fils d'Adam, hein, qui souhaite retourner à son pays, son premier pays, c'est-à-dire le Jannah. Celui dont lequel il a été sorti en vue d'y retourner. ثم قال أو غابر السبيل ou comme quelqu'un de passage. وهو المسافر والمسافر إنما يستريح في أثناء السفر ثم يواصل السفر لا يستوطن فيكون المسلم في الدنيا مثل المسافر وهو في الحقيقة مسافر ليس مقيما لأن مدته في الدنيا قليلة وهو يسير إلى الآخرة تسيره به الأيام والليالي إلى الآخرة وهكذا ينبغي أن يكون حالة المسلم في الدنيا غريبا أو غابر السبيل أو يكون همه الرجوع إلى بلده وبلد المسلم هي الجنة فيستعد لها وتكون هي همه وما يوصله إليها. Donc il dit que celui qui est de passage est le voyageur, celui qui est en voyage. Car le voyageur, lors de son voyage, ne se repose qu'un instant, un court instant, pour poursuivre son voyage par la suite. Hein? Lorsqu'il se pose un endroit pour se reposer, il ne s'y pose pas pour y résider ou pour s'y instaurer, juste pour se reposer, prendre ses forces pour repartir et poursuivre son parcours. Donc telle est la dunya pour le musulman, qu'il la prenne de la même façon. Car en réalité, il est voyageur. Hein, il n'est pas résident dans ce bas-monde. Car ses biens, ses besoins dans ce bas-monde sont peu. Mais plutôt, lui, ce qu'il attend, c'est de là vraiment où les choses se réaliseront pour lui, c'est dans l'au-delà. Donc lui, en ce bas-monde, les nuits et les jours passent pour l'amener vers l'au-delà. Le temps ne fait qu'avancer pour te rapprocher de ta mort, pour arriver à l'au-delà. Et c'est comme ça qu'il convient aux musulmans d'être dans ce bas monde, comme un étranger ou un voyageur. Que sa priorité soit le retour vers son pays. Hein? Et le pays du musulman, c'est le Jannah. Donc il s'y prépare. Et cela est sa priorité, comme nous l'avons dit, ainsi que tout ce qui lui permet d'y retourner. Par exemple, le voyageur, il va plus se soucier du moyen de transport qui le ramène vers son pays que, par exemple, le lieu où il va y vivre. Celui qui est de passage quelque part, tu le verras plus préparé avant de partir, même son retour, que son installation. Il prévoit son billet pour partir et son billet de retour. Les dates, les papiers, toutes les démarches administratives qui lui permettent de pouvoir revenir. Donc le musulman qui fasse une comparaison avec cela, c'est une vision imagée pour qu'il voit que ce qu'il prépare, c'est ce qu'il attend après la mort. لما سمع ابن عمر رضي الله عنهما الوصية من الرسول قال للناس ولكل أحد إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء إذا أصبحت لا طيب. Et que ابن عمر ensuite avait, après qu'il a entendu ces paroles du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, avait pour habitude de dire aux gens et à chaque personne que si jamais tu atteins la matinée ou plutôt le soir, alors n'attends pas la matinée, n'attends pas le matin. Et pareillement, si jamais tu atteins la matinée, alors n'attends pas le soir. يعني إذا أصبحت فلا تؤخر العمل لليل تقول أعمل هذا العمل بالليل بل بادر به اعمله فلعلك لا تدرك الليل وإذا أمسيت فلا تؤخر العمل والتوبة إلى الصبح لعلك لا تدرك الصبح فليس لك إلى الساعة. التي أنت فيها فبادر ولا تؤجل الأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار إلى وقت آخر. Donc il dit, c'est-à-dire que si jamais tu es en temps matinal, d'accord, tu es dans la matinée, alors ne reporte pas les œuvres que tu as à faire pour le soir. Tu dis par exemple, je ferai cela ce soir. On parle là des œuvres, des adorations bien sûr, hein. On parle des adorations et des obligations religieuses qui elles ne sont pas prescrites en un horaire défini, comme un salat. Par exemple, c'est pas le matin, tu vas faire le Isha. Non, ça c'est une salade qui se fait à son heure. Là, il parle des choses, par exemple, qui ne sont pas restreintes à un temps limité, comme par exemple la Tawba, comme vous l'avez cité, les Stirfar, El Yersan, El Nas, ce genre de choses. Car il se peut que tu n'atteignes pas cette nuit, que tu meurs avant. Par exemple, tu as une chose à faire, tu as combien de péchés, tu as une Tawba à faire, tu dis je ferai Tawba ce soir. Ou par exemple, tu as fait du mal à quelqu'un et tu es en mesure de réparer ce mal. Tu dis, je le ferai plus tard. Non, fais-le dès que possible. N'attends pas, car tu ne sais pas ce qui se passera entre toi et la nuit. Il se peut qu'entre-temps, il t'arrive une chose qui t'empêchera justement de pouvoir accomplir cet acte. Et également pour la nuit vers la matinée. De ne pas attendre. Et même les koufars, ils ont une expression qui ressemble à cela, qui dit de ne pas remettre au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Elle revient à ça. Et il est fort probable qu'ils aient repris cela également des sagesses des musulmans, de l'islam. Donc toi, précipite-toi à accomplir les œuvres. Dès que tu as une occasion de la faire, fais-la et n'attends pas. Et ne la repousse pas. Ne la reporte pas. Soumakol, wakhuz bin sihatik li maradik. Et prends de ta santé, profite de ta santé pour ta maladie, lorsque tu seras malade. Hadhi min wasiyat ibn Omar, madama l'insanu fi siha, wa afiya fa huwa qawiyyun. Yakdiru ala siyam, wa yakdiru ala qiyam al-layl. ويقدروا على الجهاد في سبيل الله ويقدروا على الدعوة إلى الله ويقدروا على بذل الخير أما إذا استقم ومرض فإنه لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يقوم الليل ولا يستطيع مكان يستطيعه وهو في صحة بسبب المرض والصحة لا تدوم فما دام الله أعطاك الصحة فبادر بالأعمال الصالحة لأنه سيأتي عليك وقت لا تستطيع أن تعمل فيه إما لمرض أو l'ikibir ou haram. Donc il dit que cette grande exhortation d'Ibn Omar, que tant que la personne est en bonne santé, est prémunie, et qu'il est en force, hein, qu'il a toutes ses capacités, comme par exemple qu'il puisse jeûner, qu'il puisse veiller la nuit en salat, qu'il puisse faire le jihad, qu'il puisse faire la da'wah, qu'il puisse faire des actes de bien, qu'il le fasse tant qu'il a besoin de le faire. Car il se peut qu'il tombe malade et que cela l'empêchera d'accomplir toutes ses œuvres. Donc profite du temps présent, de l'occasion qui t'est présentée. Car la santé n'est pas une chose continue. Tout le monde est amené à tomber malade. D'accord ? Donc toi, anticipe cette maladie pour œuvrer dans le bien. Et parmi la grande rahma d'Allah, on rajoute à cela que malgré tout, Ce que tu avais l'habitude de faire en étant en bonne santé, cela te sera écrit si jamais il t'empêche de le faire alors que tu es malade. Pour te dire que celui qui se précipite et qui continue dans les œuvres, comme cela est vu dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari selon Abu Huraira ou Anas, j'ai oublié, que le prophète connaît, il disait Safaran muslim au marida, kutibalahu makana, yakun min al-amal wa wa. Sahih wa muqim, fi hadha al-ma'na. Que celui qui voyage ou qui tombe malade, tout ce qu'il avait pour habitude de faire, lui sera écrit. S'il tombe malade ou qu'il part en voyage. C'est-à-dire ce qui est interrompu de ses actes qu'il avait l'habitude de faire pour une excuse, eh bien cela lui sera écrit quand même, comme s'il les faisait. Non. Donc il se peut que par la suite, toi, tu ne puisses plus accomplir ces actes par maladie ou par la vieillesse, et ainsi de suite. Donc profite de l'instant présent pour faire ce que tu as à faire. Et ne reporte pas. Kouluhu wa min hayatik limotik. Et profite de ta vie pour ta mort. C'est-à-dire anticipe. Khuz min hayatik fi hadhihi dunya limotik. Ista'id al-maut wa ma ba'd al-maut. Fa wallahu a'taka hadhihi al-hayata wa hadhihi al-ajal min ajli an tastaghillahu fi ma yanfa'uka fi al-akhirah. Fa la tusrifhu fi al-hawa wal-la'ib وجم الحطام وإنما تصرفوا فيما تجده عند الله سبحانه وتعالى. فهذه وصية استنجها ابن عمر من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لا. Donc il dit, profite de ta vie hein, en ce bas monde pour anticiper ta mort. Prépare-toi à la mort et ce qui s'ensuit. C'est-à-dire les choses qui se suivent de la mort, comme la fitna de la tombe, le balzar, boyom el qiyama et ainsi de suite. Il faut que tu anticipes et que tu t'y prépares. Car Allah ne t'a donné cette vie de ce bas monde qu'en vue de l'utiliser dans ce qui te sera profitable pour l'au-delà. Donc ne la dépense pas dans la distraction ou dans le jeu ou dans le fait de rassembler les richesses. Mais plutôt dépense-la dans ce que tu retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala plus tard. Telle est la recommandation que Ibn Omar a tirée du conseil que lui a prodigué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فينبغي للمسلم أن تكون هذه الوصية دائما بين عينيه فيكون في الدنيا كأنه غريب أو غابر السبيل ولا يؤجل العمل إلى وقت آخر قد لا يدركه ولا يصرف صحته ووقته في اللهو واللعب ولا يصرف حياته كذلك في اللهو واللعب لأنه سيسخر عما قريب إلا إذا استغل هذه الإمكانات طيب إلا إذا استغل هذه الإمكانات فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. Donc ils finissent cette explication en disant que telle est la chose qui incombe aux musulmans hein, par rapport à cette recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce conseil qui se trouve devant lui toujours, constamment avec lui, qui s'en souviennent continuellement, qu'il soit en ce bas monde comme à l'étranger ou un voyageur, et qu'il ne reporte pas les actes hein, ces œuvres qu'il a accomplir, qui ne le reporte pas, qui ne le repose pas à un autre moment, car il ne sait pas s'il pourra atteindre ce moment. Qui ne dépense pas sa santé et sa force dans les distractions futiles et dans le jeu. Et également sa vie, son temps de vie, qui ne le dépense pas dans les choses qui lui sont inutiles. Car cela lui causera le regret. Donc lui, qui use de toutes ses occasions, ses capacités qui lui sont offertes, en vue d'en tirer profit pour ce qui le rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire pour son au-delà. Naam. Donc tel était le khulasa du hadith, qui était le 40e, qui se rapporte au fait de se préparer à la mort, car la mort est inévitable, que le nafsin zaikatul maut, de ne pas être comme ces mécréants qui eux s'attardent dans ce bas monde et s'y croient éternel et ne vit que pour ce bas monde. Le musulman lui sait qu'il est de passage, donc de là les choses qui lui arrivent lui sont plus faciles à supporter et endurer, car il sait que ce n'est que pour un temps. Et il se prépare. Et parmi les fruits également de cette recommandation, c'est le courage. Que le musulman n'a pas peur de la mort comme le kafir. Tout le monde craint la mort, mais cela ne l'amène pas non plus à se sauver, à délaisser ce qui est rendu obligatoire. Peut-être même qu'il va de l'avant et qu'il maîtrise cette peur. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ce hadith, mais il s'agit là d'une explication résumée. Donc là, on va poursuivre avec le 41e hadith. Avec l'explication de notre shir, Hafizallahu Ta'ala. Donc il dit. Rawa jama'atun min al ilm ad al hadith. Le hadith qui va suivre, lui, ça rapporte au fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser les passions. Et que cela fait partie de la foi véritable. Le fait que ce que tu ressens soit en concordance avec l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non pas en concordance avec tes passions. Donc il dit Rawa jama'atun min ahli al-ilm ad al-hadith an Na'im ibn Hammad an Abd al-Wahhab ibn Abd al-Hamid وابن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Donc il dit selon Abdullah ibn Amr ibn As que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne croira véritablement tant que ses passions ne concorderont pas avec ce avec quoi je suis venu. Hein, que ses passions, ce qu'il ressent en lui, ne soient pas en concordance avec ce avec quoi je suis venu. C'est-à-dire la sunna, la révélation. Donc le cheikh cita par la suite que ce hadith, lui, comporte quatre causes de faiblesse. Quatre causes de faiblesse réelle, que le hadith, il est daif. Le hadith, il est faible. D'accord ? Et qu'une seule de ces causes, parmi les quatre citées, que nous n'allons pas citer pour ne pas nous attarder, car le sujet là, c'est plus l'expression du hadith, et non pas celle de la chaîne de narration, qu'il dit que il est quatre causes de faiblesse, et malgré tout cela, une seule de ces quatre suffirait elle-même à affaiblir le hadith. Donc que dire de quatre ? Donc il dit, Hafizallahu ta'ala. Al-Muhim annahu da'if. Donc ce qui est important à savoir de ce hadith, déjà en lui-même, c'est qu'il est da'if. Lakin lahu shawahidu yaslah bihi al-ihtijaj. Cependant, il a des choses qui l'approuvent, qui l'appuient, le permettant de le prendre comme argument. Nous l'avons dit dans ce livre, il n'y a aucun hadith maudour qui a délaissé. Tous ceux qui sont cités dans ce matn de Arba'in Nawawi sont des hadiths que l'on peut utiliser comme argument car ils ont tous des fondements, sont tous basés sur d'autres preuves. Même si le hadith est faible, tu en trouveras d'autres hadiths qui l'appuient ou des versets qui l'appuient. Il dit, Yerjia Fizalika Adillat. ذم الهوى الكثيرة ترى أن من كان هوى تبعا لغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانه ناقص أو معدوم. Donc il dit, si tu veux savoir ce qui appuie ce hadith, c'est retrouve à toutes les preuves qui sont venues qui blâment le suivi de passion. Et ces preuves sont très nombreuses. Et que tu vois que celui dont les passions ne sont pas en concordance avec ce avec quoi est venu le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, tu le vois d'une faible foi ou même sans foi du tout. Il sera entre deux cas. Ou il sera très faible dans sa foi, ou il sera un kafir. Comme cela va suivre. وثبت عن عبد الله بن عمرو وزيد بن أرقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق وأهواء والأدواء. Donc il dit parmi les preuves qui cite cela, le fait de ne pas avoir suivi les passions, en guise d'exemple, que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit, certes, de ce que j'ai peur pour vous, d'après moi, c'est-à-dire d'après ma venue, ce sont vos ventres, ainsi que vos parties intimes, ainsi que les passions égareuses. Et il fut également rapporté de Abdullah ibn Amr que le prophète ait dit également, ô Allah, je recherche refuge auprès de toi, ou plutôt, je recherche refuge auprès de toi, des actes blâmables et des mauvais comportements, des mauvaises mœurs, et des passions, hein, et des maux, c'est-à-dire les maladies. وربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. Donc il dit, as-tu vu celui qui a pris sa passion comme divinité et que Allah a égaré avec science et qu'il scella sur son ouïe, sur son cœur, et qu'il plaça un voile sur sa vue, et qui le guidera donc après Allah, qui donc pourra le guider. Wa qala ta'ala wa la tattabi' al-hawa fa yudillaka 'an sabilillah innal ladhina yudilluna 'an sabilillah lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. Donc il dit, ne suis pas les passions car elles t'égareront de sortir d'Allah, et ceux qui sont égarés de sortir d'Allah, ils auront un dur châtiment pour ce qu'ils ont oublié le jour des comptes. Donc là, il ne faut aucun doute que le fait de suivre les passions parmi les causes d'égarement. Le fait de suivre les passions, ce que tu as en toi, si celles-ci hein, s'oppose à la révélation, cela sera une cause également. وقد قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Donc il dit également que si jamais ils ne te répondent pas, c'est-à-dire à l'appel, à ton appel, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions, hein, en dehors de la guidée d'Allah, d'une guidée d'Allah. وقال تعالى فما من ترى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Donc il dit quant à ceux qui ont outrepassé et qui ont préféré ce bas monde, alors l'enfer sera leur refuge. Quant à ceux qui ont eu peur de la rencontre avec leur Seigneur et qui ont privé leurs âmes du suivi de passion, des passions, alors cela, le paradis, cela sera leur refuge. Le paradis sera leur refuge. وعلى هذا فمن لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متبع لهواه. ومن ليس متبعا إلا هواه فإن الجحيم هي مأواه. Donc il dit que celui qui ne répond pas à l'appel du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et qui ne le suit pas, celui-là ne fait que suivre ses passions. Et que celui qui ne fait que suivre ses passions, alors lui, son lieu de refuge sera l'enfer. Wa qala ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et dit que si jamais vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. أما أثر الحسن أن الناس دعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية فإنه لم يثبت من مراسل الحسن ومراسله من أضعف المراسل كما في الموقظة للذهبي. Donc il dit que ce qui est venu comme Athar disant que ce verset est descendu du fait que des gens ont prétendu qu'ils aimaient le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم ou qu'ils prétendaient aimer Allah, que Allah ensuite les a éprouvés par ce verset, cela n'est pas une chose qui a été affirmée. Cela fait partie des marasil de Al-Hassan. Marasil, c'est qu'il y a, comme on l'avait dit, une coupure entre le Tabiri et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que les Mursel, à la base, sont considérés comme étant dans le chisme d'Arif. Au fond, ils sont faibles. Et que parmi les marasil les plus faibles, ce sont ceux qui sont justement venus de Al-Hassan al-Basri. Parmi les plus faibles. Donc ce Athar n'est pas à prendre en compte. Bien qu'en apparence, ce verset ait été appelé le verset de l'épreuve, comme nous l'avons cité. Pour ceux qui prétendent des choses. Non. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به له أصل وتشهد له الأدلة الأخرى. Donc il dit donc cette parole du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم que aucun de vous ne croira véritablement tant que ses passions ne seront pas en concordance avec ce quoi je suis venu. Cela est une origine. Cette parole, bien que le hadith soit faible, le hadith a un fondement. Et des choses qui l'appuient, qui l'approuvent, parmi les autres preuves. Quand les Omar, la anta ahabu ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa waladi wa nasu ajma'in. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-an ya Omar. Donc, que Omar a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu es plus aimé auprès de moi que ma propre personne, que ma famille, que mes biens, que mon enfant et que toutes les personnes réunies. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, c'est maintenant. C'est-à-dire que tu as vraiment atteint la perfection de la foi, avec cet amour. فلا شك أنه لا يكتمل إيمان أحد حتى يكون هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون هواه مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا إما أن يكون إيمانه ضعيفا وإما أن يكون مبعدا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر ويبعد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله فكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم فكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فإنه كان مبعدا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر وإن كان غير مبعد وإنما شهواته أو هواه يحمله على مخالفة بعض الأعمال أو بعض السنن فهذا عاص فاتباع الهوى قد يكون مخرجا من الملة وقد يكون دون ذلك وقد يكون دون ذلك. Donc là, il dit qu'il ne fait pas de doute que aucun iman ne sera parfait, ne se verra perfectionné, tant que ses passions, ce qu'il ressent, ses sentiments, ne seront pas en concordance avec ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que celles-ci ne seront pas, et que ses passions ne seront pas en opposition, et que ces personnes ne sont pas en opposition avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui, car sans quoi, celui qui sera de la sorte, soit il sera muni, doté d'une faible foi, ou alors il sera une personne qui déteste ce avec quoi est venu le prophète, alors lui il aura mécru. Car cela est de la mécréance. On l'a vu dans les Nawaqid de l'islam, que le fait de détester ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion, cela est du kufr. Comme le prouve la parole d'Allah dans le sens où il dit, et cela du fait qu'ils ont suivi ce qui a irrité Allah, et qu'ils ont détesté le fait de son agrément, ce qui agrée Allah, alors il a annulé leurs œuvres. Cela a fait qu'Allah a annulé leurs œuvres, du fait qu'ils ont détesté ce qui cause l'agrément d'Allah. Donc s'il déteste ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors cela est de la mécréance. Mais si jamais il ne déteste pas, mais cependant que ses passions ou ce qu'il a en lui le pousse à s'y opposer, à s'opposer à certaines œuvres ou à certaines sunnah, alors lui c'est un désobéissant. Donc là il finit en disant que le fait de suivre les passions, d'accord, le fait de suivre les passions, cela peut être soit une chose qui te sort de la communauté, du kouf, ou alors peut-être moindre que cela. C'est-à-dire de toi, un désobéissant, un innovateur, un pervers, ainsi de suite. Naam. Et nous avons cité également un exemple de le fait de détester un acte en islam, que cela il y a un détail sur la question. Et on a cité cette parole-là également dans les defs, dans les doulous de Nawaqid de l'islam pour celui qui voudrait y retourner. Naam. Donc de là s'achève le charf du shir, qui amène à ce que celui dont le ressenti n'est pas en concordance avec ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que son hymen n'est pas véritable, n'est pas complet, et que cela peut même être du kouf. Par exemple, toi, tu vois que des gens dans la sunna, la femme par exemple, avec son voile, son hijab, qu'est-ce qu'elle ressent lorsqu'elle le met? Nous, on ne parle pas du côté que cela amène des difficultés par rapport au regard des gens, les insultes. Mais est-ce qu'elle aime cela? À la base, en elle, ce jilbab, est-ce qu'elle l'aime? Est-ce qu'elle ne l'aime pas? Le frère, pareil. Est-ce que ce kamis, sa barbe, ainsi de suite, il l'aime ou est-ce qu'il ne l'aime pas? Que chacun revienne en lui et se dise qu'est-ce qu'il ressent et pourquoi il le ressent. D'accord? Qu'est-ce qu'il ressent et pourquoi il le ressent? Et de là, qu'il pèse avec ce hadith, qu'il compare avec ce hadith, pour savoir où est-ce qu'il en est, Inch'Allah ou ta'ala. Fabiad al-Kod Naktafi, on a coulé Subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.